Bonjour, c'est Xavier Mauduit. Gros plan sur l'histoire du cinéma avec l'historien Michel Pastoureau qui fut conseiller pour le film Le Nom de la Rose. Et avec les cinéastes Mahamat Saleh Haroun et Tony Gatliff, tous les deux fous d'histoire. Et puis nous croiserons aussi Pocahontas quand Disney redessine l'histoire et Alice Guy, une réalisatrice longtemps laissée hors champ. Et puis du grand spectacle avec Ben-Hur. Allez, moteur! Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Avec Ben-Hur, c'est l'Antiquité spectacle. Ben-Hur, le livre, celui de Lewis Wallace en 1880. Ben-Hur, le film muet de Fred Niblo. Ah là, nous sommes en 1924. Et puis il y a Ben-Hur, arrête ton char en 1954. Tout cassa, tout brisa, tout flinga, tout baluchonna. Ah, parole de voyou, on faisait la loi. Ben-Hur, arrête ton char est un polar de la série noire d'Ange Biastiani. Arrête ton char. Arrête ta voiture peut-être. Arrête ton char. Arrête de charrier. Surtout, l'expression prend toute son ampleur avec l'ajout de Ben-Hur, surtout après le film de William Wyler en 1959, « Allez Ben-Hur, lâche les rênes ». Laurie Nuria André, bonjour. Bonjour Xavier. Quelle place pour ce film en 1959, Ben-Hur, dans la représentation de l'Antiquité au cinéma? Alors, déjà, comme vous l'avez rappelé, c'est une adaptation d'un roman. L'ampleur cinématographique, encore à l'heure actuelle, a sans doute éclipsé cette origine littéraire. Et ce qui peut expliquer, d'ailleurs, ce qui doit expliquer aussi le jeu des adaptations. Ah, alors, c'est pas la première en plus. Effectivement, et on a retenu que celle de 1959, on va dire, par sa démesure. Mais ce qui est important, me semble-t-il, pour le spectateur, pour nous aussi, historiens, historiens de l'art, littéraires, c'est de s'intéresser en fait à ses origines et de le replacer, d'essayer de regarder d'où ça vient et essayer de voir où ça va. Voilà. Oui, non, mais c'est très important et vous avez bien raison de le souligner. Clash of the Classics, c'est le titre de votre ouvrage, Laurie Nuria André, avec cette mise en perspective et cette volonté de savoir d'où vient la représentation. Pour Ben-Hur, le film de 1959, nous avons, entre autres, mais de manière originelle, cet ouvrage de 1880. Quel était cet ouvrage qui était un livre à succès de Lewis Wallace? Oui, moi ce qui vraiment me frappe, c'est la date. 1880, donc en 1880 il est écrit, en 1900 il devient le plus vendu aux États-Unis devant la case de l'oncle Tom. Mais 1880, pour l'archéologue, c'est qu'est-ce qui se passe en Europe? C'est le premier très gros chantier de fouilles sur la colline d'Issarlik, à Troyes, par Heinrich Schliemann. Et ça, je pense que c'est essentiel pour comprendre cette vague d'intérêt. Hein, en Europe, en France, pendant une centaine d'années, un petit peu avant, on a les campagnes napoléoniennes. Et donc, c'est l'invention de l'archéologie. Et là, ça circule. Alors forcément, dans une culture naissante comme les États-Unis, s'emparer du substrat antique, construire ses origines, regarder au miroir de l'antique, c'est très tentant. Et ça explique sans doute ce succès phénoménal qui a fait dire d'ailleurs à la Warner Bros. Dans la bande-annonce que ça a été le livre plus lu que la Bible, ou autant lu que la Bible. Il me semble en tout cas, si on se place du point de vue de l'Europe, qu'il faudrait peut-être rajouter à côté de la Bible l'Iliade et l'Odyssée. Oui, parce qu'il y a de ça qui est très intéressant, Laurie Nuria André, c'est qu'avec Ben-Hur, nous nous situons au 1er siècle de notre ère. Jésus est un personnage de ce roman de Lewis Wallace en 1880. Mais vous évoquez des fouilles, ces fouilles archéologiques, c'est celle de Troie. Donc là, nous sommes dans la Grèce, mais la Grèce archaïque. Ce serait dire que dans un intérêt global du cinéma naissant ou de la littérature pour tout cet univers-là, c'est un peu un fourre-tout dans lequel on va piocher, c'est ça? Oui, ce qui est... Alors, peut-être gênant pour l'historien et le spécialiste, quand on regarde le Bénur de 59, c'est qu'en fait, on parle de l'Antiquité, mais c'est pas l'Antiquité, là, ce sont les Antiquités, qui, parce qu'on a un substrat donc, qui fait référence à l'histoire de la Judée. Ensuite, il y a l'histoire du christianisme plus ou moins naissant. Il y a les rapports entre Rome et les provinces orientales, et il y a les Grecs quand même qu'il faut pas oublier parce qu'ils étaient là aussi avant. Voilà. Donc tout ça, c'est effectivement pour le non spécialiste, ça donne l'impression que tout ça se fusionne ensemble, alors qu'en réalité, ce sont des cultures qui se rencontrent et il faut voir comment elles se rencontrent. Ce serait presque insultant hein, de dire que ce film reflète une réalité historique. Nous savons très bien que les films reflètent la période qui les produit. Jean-Paul Tullier, bonjour. Bonjour. Quel regard portez-vous sur Bénur comme élément de l'imaginaire collectif que nous pouvons avoir de l'Antiquité ? Ah ben c'est évidemment un document qui a joué un rôle très important pour marquer cet imaginaire. Je reviens une seconde au livre de Wallace. On a dit que c'était un des quatre évangiles du péplum. Et on va pas tous les citer, mais c'est intéressant parce que il y a eu au départ les derniers jours de Pompéi, de Bulwer Lytton en 1823. Et évidemment, c'est lié aux fouilles de Pompéi, puisqu'on parlait de fouilles. Ça c'est extrêmement intéressant. Et ce qui distingue le livre de Wallace, et on arrive au film du coup, c'est que c'est le seul, puisqu'en fait, le christianisme est présent, ce sont des romans antico-chrétiens, comme on a dit tous, mais ce qui est présent dans le livre de Wallace, c'est justement, alors, il y a la bataille navale, d'un côté, et la course des chars, qui ne se trouve pas dans les autres romans de ce type, où c'est plutôt la gladiature qui intervient, ou les derniers jours de Pompéi, justement, ou d'autres thèmes de la civilisation romaine, mais qui ne sont pas directement liés à la course de chars, qui posait d'ailleurs des tas de problèmes par ailleurs. Je pense qu'on reviendra là-dessus. Jean-Paul Tullier, si vous avez titillé notre curiosité, parce que dans ces quatre évangiles, vous placez Bénur, les derniers jours de Pompéi, j'aurais envie de mettre moi Quo Vadis. Alors il y a Quo Vadis, oui, qui est le dernier, 1095, je crois, si je me souviens bien. Et puis il y a Fabiola. Fabiola aussi, qui est un petit peu moins connue aujourd'hui, mais... Mais sinon, il y a aussi tous les autres, parce que la tunique, bien entendu. Et ce sont vraiment ces romans antico-chrétiens, où c'est les martyrs chrétiens jetés au lion, ou la gladiature, c'est-à-dire l'amphithéâtre, plus que le cirque lui-même. Jean-Paul Tullier, déjà, rappelons combien des différences sont très nettes entre ce monde de la course des chars et ce monde des gladiateurs. Il y a un fantasme du gladiateur. Ce sont deux univers complètement différents. Ah oui, ce sont des spectacles. Là, de ce point de vue, il y a effectivement des points communs. Mais c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'il y a un problème en français, c'est que quand on parle des jeux du cirque... Alors, si vous faites une enquête, je crois que même en sortant directement là dans la rue, vous verrez, c'est la plupart des gens considèrent que c'est l'amphithéâtre et ce sont les gladiateurs. Alors que les jeux du cirque, en latin, ludi circenses, c'est les jeux qui se passaient dans le cirque, qui était un édifice sportif. Ça, je crois que ça vient du fait que dans un premier temps, les chasses, les venationes, évidemment les lions. On pense du coup aux martyrs chrétiens et du coup on pense à l'amphithéâtre, peut-être à cause de ça. Mais c'est très curieux, j'ai remarqué, on peut le dire 100 fois, l'écrire 200 fois, mais ça fait partie de ces clichés qui ont la vie très dure, ces expressions qui restent figées dans un sens qui n'est pas le bon. Et ces clichés ne sont pas construits par le cinéma. Le cinéma lui-même véhicule ces clichés et les renforce. Laurie Nuria-André, il y a ce jeu de va-et-vient au moment où ce film Bénur est réalisé en 1959. Eh bien, celui qui le crée, William Wyler, est déjà porteur de clichés. Il va accentuer un petit peu ses... Alors, je veux dire, fantasme, peut-être pas, sa vision de l'Antiquité. Oui, alors ça c'est ce que vous dites, c'est très juste, c'est cette cristallisation et c'est vrai que c'est ça peut devenir irritant pour le spécialiste parce que ça donne l'impression que l'Antiquité se résume à quelques grands stéréotypes. Et alors une façon peut-être pour comprendre ça, il faudrait par exemple imaginer que nous sommes un voyageur dans le temps qui a exactement la même distance entre ce voyageur et nous. Et que dirions-nous s'il retenait de notre société que les centrales nucléaires et les krachs boursiers, par exemple? Est-ce qu'une société, ça se résume à ça? Lorsqu'on regarde un péplum, effectivement, il y a la gladiature, il y a les jeux du cirque, il y a aussi l'armée. Il y a quand même le pouvoir romain qui est incarné de manière despotique, où on a l'impression que les décisions, elles sont prises comme des sautes d'humeur. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas eu des empereurs fous, hein. Il y a des Néron, des Caligula, qui effectivement mériteraient peut-être d'être analysés à la lumière de nos catégories psychiatriques. Hein. Ça pourrait être une lecture très très intéressante. Je ne sais pas s'il y a des collègues qui ont fait ça. Vider la substance d'une société à des clichés comme ça. Alors, c'est intéressant. Pourquoi on ne retient que ça? Pourquoi notre société se plaît à retenir que ça? Oui. Jean-Paul Tullier. Oui, alors, je crois, au passage, il y a une autre source d'inspiration pour les films comme Ben-Hur, qu'on oublie parfois un peu trop. Ce sont les peintures des peintres pompiers dans la deuxième moitié du 19e siècle, avec en particulier Jean-Léon Gérôme, qui dans les années 1870 a fait des tableaux qui ont énormément influencé notre imaginaire, alors, et tous les auteurs qui sont venus après. Je reviens sur ce que vous disiez à l'instant. C'est vrai, des clichés, des stéréotypes, mais en même temps, les jeux du cirque en particulier, ça a toujours été considéré par les Romains eux-mêmes comme quelque chose de très important. Même les non-latinistes connaissent l'expression de Juvénal, Panem et Circenses, du pain et des jeux. Et il disait, le peuple romain ne réclame plus qu'une seule chose aujourd'hui, du pain et des jeux. Et c'est vrai que la population de Rome et de tout l'Empire était fascinée par ça. Donc c'était quand même un élément important. Bien entendu, il ne faut pas réduire la civilisation romaine à ça, mais c'est vrai en même temps que les édifices correspondant à la gladiature et au cirque sont des marqueurs de la civilisation. C'est des édifices colossaux et pour lesquels on peut faire des comparaisons avec ce qui se passe aujourd'hui, même en architecture. Oui, les édifices de l'Antiquité peuvent accueillir plus de spectateurs que nos grands stades dont nous sommes si fiers. Et dans la volonté d'aller visiter ces édifices, il peut y avoir parfois une interrogation. Eh bien, c'est celle de l'historien Paul Venn. Oh, c'était épouvantable, épouvantable. Je ne suis jamais rentré dans le Colisée de Rome, quoique étant à l'école de Rome, et je n'y rentrerai jamais. Vous savez, un gladiateur, ça fait deux choses. Les gladiateurs, d'abord, ils se battent entre eux, et le peuple y va pour voir ça, pas du tout pour voir de l'escrime, pour voir un homme mourir. À cette époque, c'était un plaisir, et on se le donnait parfois entre amoureux. Voir un homme mourir, c'est très intéressant. Et puis quand c'était fini, quand ils s'étaient battus entre eux, et que le gladiateur qui avait touché terre, fût-ce une seconde, fût-ce par accident, on décidait si on allait l'exécuter sur place ou pas. Alors le peuple attendait, il était bien content si on le tuait. Parce que on avait vu ce jour-là un homme mourir. Mais ça, c'était la partie la moins cruelle du spectacle. Ensuite, vous aviez le moment de midi. Au moment de midi, il y a tout autre chose. Les gladiateurs ne se combattent plus entre eux, ils exécutent les condamnés à mort de l'époque, qui servent de bourreaux. Et dans des scènes d'un sadisme invraisemblable. C'est là qu'on a tué les chrétiens, par exemple. Par exemple, on montait quelquefois une pièce de théâtre dont l'argument, dont le sujet était celui-ci, le héros est brûlé vif à la fin de la pièce. Eh bien, on brûlait réellement vif l'acteur qui le jouait. Si vous voulez, c'est à la fois un supplice d'Ancien Régime et une scène de carnaval avec des raffinements de sadisme qu'on n'imaginerait plus. Paul Venn qui s'exprimait en 1982 à propos des Jeux du cirque. Jean-Paul Tullier, vous êtes professeur émérite à l'École normale supérieure, historien de l'Antiquité, étruscologue. Je ne vais pas vous demander de corriger Paul Venn parce que c'est beaucoup trop, mais Paul Venn répond ici presque à une attente de ce que les spectateurs, les spectatrices ont en tête des moments jeux du cirque. Oui, Paul Venn a écrit des pages tout à fait remarquables sur l'histoire de Rome et sur les spectacles de Rome, et je me garderai bien de le critiquer dans son ensemble. Mais là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Bien entendu, cette question de la mort de gladiateur fait que je ne pense pas qu'on puisse considérer que la gladiature était un sport. Moi, personnellement, je ne l'ai pas retenu en décrivant l'histoire du sport dans la Rome antique. Mais ce qui est faux, c'est de penser que les gens attendaient systématiquement la mort des gladiateurs. Ils pouvaient l'attendre d'une certaine façon, mais ils la redoutaient en même temps. Il ne faut pas oublier que les gladiateurs étaient pour certains d'entre eux de véritables vedettes, des stars, et donc qui étaient soutenus par des supporters. Et donc, on ne voulait pas que ces stars meurent à chaque fois, parce que à ce moment-là, ça n'était plus possible. On ne pouvait plus le Mbappé de la gladiature. À ce moment-là, on ne pouvait plus le soutenir. Donc c'est pas tout à fait vrai. D'ailleurs, statistiquement, historiquement, on voit bien que une grande partie des combats de gladiateurs ne se terminaient pas par la mort de l'un d'eux. C'était une catégorie spéciale de combats, sine missione, comme on disait en latin, c'est-à-dire que là, ça se terminait forcément par la défaite totale et la mort, l'exécution d'un des gladiateurs qui d'ailleurs savait parfaitement ce qui les attendait. Nous l'avons bien dit, hein, pour le film Ben-Hur en 1959, ce n'est pas la gladiature qui est en question, mais la course de chars. Et là, nous sommes dans un autre phénomène, un autre mouvement, Jean-Paul Tuillier. La course de chars a des héros, mais des vedettes absolument incroyables. Ah oui, ça fait partie, pour moi en tout cas, des éléments qui permettent de rapprocher les courses de chars de l'Antiquité romaine d'un sport professionnel comme le football aujourd'hui. C'était une sorte de sport business, hein, tout à fait, avec des sommes financières qui étaient absolument colossales et des sommes qui étaient gagnées. Alors, bon, malheureusement, les sources anciennes ne nous donnent pas toujours le détail. On peut pas avoir de renseignements aussi précis que lorsqu'on lit l'équipe aujourd'hui pour connaître la fortune de tel ou tel footballeur. Mais quand même, on sait très bien, il y a suffisamment d'auteurs qui se sont plaints. Les intellectuels étaient furieux. Parce que, comme aujourd'hui, certains d'entre eux en tout cas, ou les professeurs, si vous voulez, gagnaient quand même très peu par rapport à ce que gagnaient ces gens-là. Et quand on voit qu'il pouvait être transféré d'une faction à une autre, c'est-à-dire d'un club à un autre, on voit bien qu'on est dans une structure qui ressemble beaucoup à ce que nous connaissons aujourd'hui. Ben-Hur, ce film qui voit ce parcours de cet homme, Ben-Hur, qui devient alors champion, mais pour une course de chars à Jérusalem. Est-ce possible, cela, cette course de chars à Jérusalem ? Qu'il y a eu des courses de chars à Jérusalem, c'est probable. Qu'elles aient eu lieu dans un cirque, ça, non. Il n'y a jamais eu de cirque à Jérusalem. D'ailleurs, dans le roman, ça ne se passe pas à Jérusalem, mais ça se passe à Antioche. C'est pas surprenant, il y a très peu de cirques dans le monde romain, parce que c'était un édifice tellement colossal, d'ailleurs le film permet d'évoquer hein, ça, c'était tellement colossal que seules les grandes métropoles pouvaient, les mégalopoles pouvaient construire des cirques. Des amphithéâtres, il y en a partout dans le monde romain, parce que c'est beaucoup plus petit qu'un... Alors même si le Colisée est évidemment un amphithéâtre exceptionnel. Mais des cirques, il y en a très peu, et donc il n'y en avait pas à Jérusalem, ce qui n'empêchait pas qu'il pouvait y avoir des courses de chars. Dans cette volonté de placer cette course de chars dans le film à Jérusalem, peu importe, c'est la dimension incroyable qui est importante. Hein. D'ailleurs, nous le voyons bien dans ce film avec ses statues énormes. Laurie Nuria André, ces péplums, en fait, concentrent tous les clichés, peu importe la vérité historique, mais ça, nous le savons bien. Cependant, ils reflètent eux-mêmes une vérité historique, c'est celle du cliché au moment où ils apparaissent. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ? Donc, la course de chars, les gladiateurs, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire un bon péplum ? Ah, ça, c'est une excellente question. Et pour y répondre, il faut se demander de quelle période on parle. Parce que c'est vrai que depuis le début de l'émission, on parle du péplum donc de 59, mais il y a quand même d'autres versions, et des versions contemporaines. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de commencer à regarder comment ça se passe et de creuser l'écart. Alors, qu'est-ce qu'on garde du cliché, du stéréotype, et qu'est-ce qui, on va dire, est modifié aujourd'hui dans notre regard et dans la mise à l'écran? Alors, effectivement, je parle de confusion tout à l'heure entre les antiquités qui sont montrées, quelque chose qui va évoluer entre le péplum de 59 et celui de 2016, qui travaille aussi, on est autour du spectaculaire, là on a changé un registre de l'image, mais là on est en train de parler d'histoire encore, c'est quand même le positionnement et le traitement en fait des rapports entre Rome et la Judée. Dans le péplum de 59, c'est les Judéens, c'est les Juifs. En revanche, dans celui de 2016, les fauteurs de troubles par rapport à l'ordre romain, ce sont les Zélotes. Et donc là, il y a un effort historique qui est en train de se mettre en place. On peut plus vraiment dire aujourd'hui ce que je disais déjà il y a 15 ans, ou 12 ans plus exactement, où on critiquait autant les jeux vidéo que les mises à l'écran dans le cinéma populaire, on va dire, les films hollywoodiens, qui sont vraiment très imparfaits sur le plan du respect historique. Maintenant, il y a un effort qui se fait. Il y a des choses qui commencent à bouger. On intègre de plus en plus le travail avec les historiens et les archéologues. On a des grands films qui le prouvent, Gladiator, la série Rome produite par HBO, etc. Même s'il reste des clichés, des choses comme ça qu'il faut absolument interroger. Et j'ai des réponses pour ça. Donc, on évolue et avec cette recherche, cette concession faite un peu plus à la vérité historique, on voit s'opérer aussi un changement de l'image. Il y a vraiment une rupture esthétique sur le plan de l'image, qui est liée évidemment à la technique cinématographique. On passe de la pellicule au numérique. Donc là, on est vraiment sur ce sont deux mondes différents. Et cette rupture-là, elle engage quelque chose de nouveau dans notre rapport à l'histoire et sa mise à l'écran. Et c'est vrai que quand nous voyons le Ben-Hur de 1959, ce n'est pas le Ben-Hur de 2016. Univers très clair entre les deux, Jean-Paul Tullier. Oui, pour revenir à votre question, pour moi, peut-être parce que j'ai des références cinématographiques plus anciennes, je trouve que quand même les scènes de gladiature et les scènes de course de chars, quand c'est possible, c'est quand même important dans le péplum. Parce qu'il y a quand même là une animation directe, une passion qui, dans un film, quand même, rend assez facilement. Tandis qu'une séance, même s'il y a des efforts historiques, et il y a des efforts historiques qui sont faits, une séance au Sénat, c'est quand même beaucoup moins spectaculaire. Sauf quand c'est un talent, quand c'est un cinéaste de talent, de génie même, comme Kubrick, qui peut le faire dans Spartacus, qui peut rendre une séance au Sénat absolument passionnante. Mais sinon, c'est sûr que c'est plus facile, avec les gladiateurs, le sang, tout ce qu'on veut. Vous savez, les cinéastes, et William Wyler pour le Messala blessé, on disait qu'il disait plus de sang, qu'il fallait absolument verser un liquide rouge sur les blessures de Messala, parce que ça rend, évidemment. Et donc, c'est quand même, pour moi, un élément important du péplum, mais peut-être le péplum a-t-il beaucoup évolué, mais... Non, mais c'est très important d'avoir beaucoup plus de sang et toujours plus de sang. Nous le voyons dans cette quête de la violence. Vous évoquez, Jean-Paul Tullier, des références anciennes dans l'histoire de la rivalité entre Ben-Hur et Messala. C'est le propos même du film Ben-Hur. Eh bien, William Wyler, le réalisateur du film de 1959, a des références très anciennes, lui. Anciennes pour nous, mais pas pour lui. Le film de 1924. Je sais qu'on a l'habitude d'exagérer. Ben-Hur n'a pas besoin que l'on exagère à son sujet. Un simple coup d'œil vous le confirmera. Voici réunis pour une seule et unique fois les principaux collaborateurs du film. Devant, William Wyler, metteur en scène, et Sam Cymbaliste, producteur. Derrière eux, les vedettes, et puis les autres. C'est sur cette armée que règne William Wyler. Pour nous, il a bien voulu perdre 165 000 lires de son temps, je veux dire 4 minutes 11 secondes, les voici. La scène 420 est prête après 5 minutes. Il y a une chose qui est très amusante, c'est que l'on dit que l'un des premiers films sur lequel vous ayez travaillé, C'était en 1924 sur le premier Ben-Hur de Fred Niblo. Est-ce que c'est exact? C'est exact. En effet, j'étais très jeune et j'étais à Hollywood comme apprenti, assistant, directeur. Comme on a engagé pour la grande course au char, on a engagé tous les assistants de Hollywood et puis j'étais un chef de groupe, pour ainsi dire. Pour cette époque-là, c'était en effet, je crois que c'était le plus grand film de cette époque, comme celui-ci est le plus grand film maintenant. William Wegler qui s'exprimait en 1958, donc nous sommes au moment du tournage hein, du Ben-Hur. Alors, j'ai lu, je suppose que c'est vrai, que William Wegler, justement, avait fait spécifier dans son contrat pour le film de 59 qu'il ne voulait pas diriger la mise en scène de la course de chars, parce qu'il avait trouvé ça tellement épouvantable à faire lors de son expérience précédente, et c'est effectivement un autre metteur en scène qui a dirigé les débats, si je puis dire, à ce moment-là. Oui, ça peut se comprendre, parce que quand nous voyons la longueur de cette course de chars, la complexité des plans, nous saisissons combien pour celui qui réalise cela peut être compliqué. Laurie Nuria, André, au moment où vous travaillez sur l'antiquité dans le cinéma contemporain, que vous publiez aux éditions Passage, il y a les élément histoire. Vous nous l'avez dit aujourd'hui, vous ressentez une plus grande prise en compte du travail des historiens, des historiennes. Pourtant, dans ce Ben-Hur de 1959 avec Charlton Heston, il y a aussi de l'histoire. Vous trouvez que l'histoire, au sens narration et puis sentiment, est un peu mise en avant par rapport à l'histoire, c'est-à-dire travail de reconstitution? Alors, dans celui de 59, oui, c'est l'impression que j'ai. Néanmoins, comme l'a déjà souligné mon éminent collègue, les scènes qui perdurent encore aujourd'hui dans la réception contemporaine sont des scènes qui s'ancrent dans la réalité historique. Donc, évidemment, la course de chars, effectivement, elle est spectaculaire. Et elle est encore plus spectacularisée avec les moyens techniques que nous avons aujourd'hui. Mais moi, il y a une autre scène qui me marque beaucoup et qui restait encore dans à peu près toutes les versions contemporaines de Ben-Hur, parce qu'il y a aussi une mini-série qui a été produite et qui n'est pas du tout inintéressante à consulter par rapport justement à ce travail de réception à la fois du cinéma et de l'Antiquité de manière plus générale, parce que là, c'est un jeu de concaténation de prismes, en fait. Ça devient vertigineux, ce type de travail. C'est la scène du combat naval. C'est quand même une prouesse technique en 59, et aujourd'hui, certes avec les moyens numériques que nous avons c'est plus facile, mais enfin ça reste quelque chose, et là c'est très intéressant. Voilà, il y a tout le côté galérien, ce travail aussi sur les corps, parce que là on est sur le corps martyrisé, ensuite dans l'espace du cirque ou des jeux on est dans le corps spectacularisé, et ça vraiment c'est quelque chose de très prégnant dans les versions contemporaines, où on s'interroge encore sur la virilité, le corps de l'homme. Là on est sur autre chose, et là il y a tout un jeu d'interrogations vraiment sur le genre, le corps et le travail numérique, physique. Un an après le Ben-Hur sort Spartacus de Stanley Kubrick. Nous sommes donc en 1960 et là aussi il est question de corps. Vous voici à l'école de gladiateurs de Lentulus Vatuatus. Un gladiateur est une sorte d'étalon. Il demande 1000 petits soins. Donc vous serez huilé, peigné, rasé, massé. Des maîtres vous apprendront à vous battre en combat singulier jusqu'à la mort. Bien sûr, vous n'aurez pas à le faire lors de votre séjour ici, mais seulement lorsqu'on vous vendra. Mettez-vous en ligne devant moi. Voilà mes gladiateurs. Alignez-vous. Veuillez faire votre choix à présent. Celui-là, là. Marcellus Crixus pour le glaive court. Mais le trident est devenu un art plus rare de nos jours. Puis-je te conseiller celui-ci, un Éthiopien. Les Éthiopiens sont sans aucun doute les maîtres du trident. Si deux hommes se couchent et refusent de continuer le combat, votre entraîneur devra leur couper la gorge comme à des poulets. Nous ne voulons pas de trucage. Quick, comme à des poulets, c'est Spartacus de Stanley Kubrick. Laurie Nuria, André, le corps est essentiel dans cette histoire du péplum. C'est la manière dont une société, celle d'où surgit ce film, voit le corps. C'est en 1959 une belle occasion pour Hollywood, notamment d'exposer des corps. Oui, avec tout ce qui peut aller contre une société pudibonde, la contester. Alors, de toute façon, une société, elle est parcourue de lignes de fracture. Donc, tout de suite, voilà, on va investir les espaces artistiques pour que les choses qui sont réprimées dans le quotidien puissent s'exprimer de manière plus libre ailleurs. Et effectivement, ce regard qui peut faire naître beaucoup de fantasmes, d'ailleurs, et qu'on continue à garder aujourd'hui, hein, cette interrogation sur la place du corps, elle est essentielle. Mais c'est vrai que mon collègue en parlerait mieux que moi, mais dans les catégories sociales à Rome, la façon de définir par exemple les gens qui n'ont rien, les prolétaris, ce sont seulement ceux qui possèdent leur corps. Donc il y a vraiment quelque chose de central dans la société romaine, sur la société grecque aussi d'ailleurs. Hein. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Et surtout, c'est nous par rapport à ça. C'est encore nous, aujourd'hui, en 2022, nous sommes vraiment en train de nous interroger sur les catégories génériques. Les choses, elles bougent vraiment de manière extrêmement patente. Et donc, ce regard-là que vient nous apporter l'Antiquité, je trouve qu'il est extrêmement utile pour notre société, pour repenser nos choses. Comment est-ce qu'on conçoit un corps de l'homme? Qu'est-ce que la virilité? Pourquoi il y a ce déploiement, en fait, de force, de violence et d'esthétisation, d'érotisation de la violence aussi, du sang. Et ensuite, évidemment, le pendant sexualité, puisque on parlait de clichés, mais s'il y a un des clichés aussi qui a la vie dure et qui reste encore, c'est le caractère de débauche sexuelle, les orgies romaines par exemple, dont s'emparent aujourd'hui par exemple les séries, quitte à nous donner une impression erronée. Hein. Mais Bénure échappe hein, à cette image d'orgie dans Bénure. Oui. C'est vrai que la sexualité n'est pas extrêmement présente par rapport à d'autres péplums. Oui. Jean-Paul Tullier, la place du corps, cette virilisation extrême, reflète pas du tout ce qui se passait dans l'Antiquité, mais reflète vraiment les préoccupations de ces années 1950-1960. Oui, ça je pense. Moi, je voudrais revenir, là, pour prolonger ce qui vient d'être dit, sur les aspects sociaux là, de ces deux spectacles. Parce qu'il y a un élément qui est extrêmement important à Rome, ça permet de revenir à la course de chars de Bénure, c'est que les aristocrates romains, les citoyens romains, mais en particulier les aristocrates, ne se donnent jamais en spectacle. Se donner en public, en spectacle, pour un citoyen romain, c'est le début du déshonneur. C'est-à-dire qu'on est dans il y a une mentalité romaine de ce point de vue qui est à l'inverse de celle de la Grèce. En Grèce, pour un personnage très haut placé, remporter la couronne olympique, c'est la plus belle, le plus grand honneur qui puisse vous échoir autant qu'une très grande victoire militaire emportée en tant que stratège. Mais à Rome, ça c'est impossible. C'est pour ça que dans la course où on voit Judas Bénure opposé à Messala, il y a quelque chose qui là ne va pas. Jamais Messala, alors on pourrait reparler de l'organisation de cette course de chars, et ça pose effectivement des problèmes très intéressants par rapport à ce qui se passait à Rome même. Mais Messala ne devrait pas se trouver là. Ceux qui conduisent les chars sont des techniciens, et pas du tout les propriétaires. C'est extrêmement rare qu'ils se trouvent au guide, puisque ce sont des guides. Oui, mais c'est sans doute le scénariste au moment de placer cette scène. Il peut pas faire autrement aussi. Allez, mets ça là. Seigneur, pardonne-moi de chercher à me venger. Mais j'y suis décidé. Je remets ma vie entre tes mains. Fais de moi ce que tu voudras. L'étoile de David, elle brillera pour ton peuple et pour mon peuple aussi. Et aveuglera les yeux de Rome. Ils sont prêts. Bien oui, ils sont prêts. Ils sont là avec nous, Laurie Neuria, André, Jean-Paul de Tullier, pour parler du film Bénure dans le cours de l'histoire. Ici, c'est la préparation de la course de Charles dans le Bénure de 1959 avec Charlton Heston. Petite référence religieuse comme une évidence. Jean-Paul Tullier, vous nous avez bien dit que cette vague de la littérature liée à l'Antiquité, XIXe siècle et qui ressurgit, enfin qui est toujours présente au XXe siècle, notamment avec les péplums, est baignée de cette réflexion sur les premiers chrétiens. Mais cette réflexion sur ce monde en construction fait écho aux préoccupations des États-Unis dans les années 1950. L'Antiquité revisitée par Hollywood, c'est Hollywood qui réfléchit à une notion de peuple élu. Oui, d'ailleurs, on pourrait revenir sur les couleurs. Les couleurs des cochers dans la course sont très intéressantes. Et il y a eu, je crois, des analyses assez poussées à ce sujet. Judas Ben Hur, le prince juif, porte des couleurs blanc et bleu, comme couleur blanc et bleu, ce qui évoque évidemment un certain nombre de pratiques religieuses juives, et même Israël avec l'étoile de David. Tandis que Messala, qui est un méchant personnage naturellement, a une tunique noire et des chevaux noirs, puisque la question des chevaux, les quadriges, ça a été essentiel hein, entre les chevaux blancs et les chevaux noirs. Il a une tunique noire et des chevaux noirs, et évidemment, ça renvoyait là au régime fasciste, en fait. Ouais. Oui, parce donc, il y avait une prise de position politique assez nette. Il y a un peu de politique aussi, et même sans doute beaucoup, pas directement, mais par l'ensemble de l'univers, porté par ces péplums, Laurie Nuria-André. Oui. Effectivement, c'est une question qui soulève les heures noires de notre histoire. Hein. On connaît très bien la récupération de l'Antiquité, son dévoiement total dans des courants extrêmes pour le plus grand malheur de l'humanité. Il n'y a pas que ça. Je rebondissais sur. J'écoutais à propos des couleurs. C'est surtout ça qui m'intéressait. Effectivement, ça renvoie à des pratiques religieuses. Mais ce qui me paraît intéressant dans la scène des chevaux dont on parlait là, effectivement, bon, les chevaux noirs et les chevaux blancs, parce que Ben Hur a les chevaux blancs, c'est le rapport qui est construit à la fois entre le cocher, donc Ben Hur et ses chevaux en 59, mais aussi dans les autres réinterprétations 2016 et la mini-série de 2010, me semble-t-il, pour moi, ne fait pas forcément référence à la dimension religieuse judaïque, mais me semble-t-il, appelle une scène, alors peut-être de manière inconsciente, chez à la fois Wallace ou Weiler, chez le réalisateur de 2016, qui est cette scène magnifique qu'il y a dans l'Iliade entre Achille et ses chevaux, parce qu'il y a quand même des chevaux qui parlent. Et cette scène sous la tente, bon, on n'a pas eu le temps d'en parler encore, mais quand il est recueilli par ce personnage, le bédouin, etc. Alors c'est très, très stéréotypé en 59, parce que je pense même que l'acteur est maquillé, donc aujourd'hui ça passerait pas. Et qui, dans le péplum de 2016, est incarné par la figure ultra charismatique de Morgan Freeman, qui lui donne, je trouve, une prestance, une dignité, une beauté assez exceptionnelle. Je trouve que le traitement est particulièrement réussi. Moi, ça m'évoque un souffle qu'on n'a pas encore, dont on n'a pas encore parlé, parce que l'on était évidemment sur la réflexion entre le substrat historique et comment on se positionne par rapport à ça. Mais il y a quand même aussi toute l'influence de la littérature. Je trouve qu'il y a un souffle épique, évidemment, qui porte le héros du péplum. Et ça, Hollywood, c'est pain béni. Vraiment. Oui, quel que soit le Ben Hur, de Weiler en 1959, que ce soit celui de Timur Bekmambetov en 2016, ou que ce soit le Ben Hur de Jean-Yann. France Culture. Qui es-tu, toi ? Eh ben, je suis Ben Hur Marcel, garagiste, président de l'Union des commerçants. Le cours de l'histoire. Alors c'est toi le bonhomme ? Allez, un peu, mon neveu. Alors vas-y, parle ! Ah voilà, avant, on était bien tranquille, mais depuis que César est au pouvoir, c'est le bordel. Xavier Mauduit. Voilà, Ben-Hur Marcel, c'est Coluche évidemment dans le film de Jean-Yann, 2 ans moins le quart avant Jésus-Christ. Jean-Paul Tullier, Ben-Hur devient un personnage extrêmement intéressant puisque déjà il est fictif et c'est important de le rappeler. C'est une œuvre littéraire de 1880 qui crée ce personnage de Ben-Hur, mais il est situé dans une antiquité qui devient extrêmement malléable. C'est ça aussi qui permet de comprendre ce succès. On en fait un peu ce qu'on veut. C'est de la pâte à modeler, cette antiquité telle que elle est présentée dans la littérature populaire en l'occurrence et au cinéma. Oui, et en même temps, ça renvoie à un certain nombre de stéréotypes qui se trouvaient déjà dans les romans. Moi, ça me frappe aujourd'hui, par exemple, de voir le nombre de documentaires qu'il peut y avoir encore sur Pompéi. Je sais bien que les fouilles archéologiques continuent à Pompéi avec des découvertes parfois très intéressantes, très importantes. Mais on est resté finalement un peu sur la même ligne. Et on parle énormément de Pompéi. Dans les collections archéologiques, c'est frappant, les livres sur Pompéi, pour le monde romain, sont ceux qui se vendent, comme les livres sur l'Égypte, par exemple. D'autres périodes, d'autres domaines sont beaucoup moins favorisés de ce point de vue. Donc il y a effectivement des changements, mais il y a aussi une sorte de continuité de ce point de vue. Et un tout petit point à propos de Ben-Hur, justement. Dans le roman de Wallace, il était aussi gladiateur. C'était aussi, et c'est intéressant de voir que ça a été supprimé dans le film, parce que la gladiature a évidemment mauvaise réputation. Le gladiateur, comme on le disait tout à l'heure, n'est pas un héros très positif, même si dans Spartacus, il peut le devenir, mais peut-être pour d'autres raisons. Oui, le gladiateur n'est pas un héros positif, bien sûr, mais alors, dans cette histoire du péplum, parce qu'il n'est pas possible de parler d'un péplum sans parler de ceux qui sont produits au même moment, pour le Ben-Hur, il y a l'année suivante le Spartacus de Stanley Kubrick, mais quelques années plus tard, il y a un autre film d'Antonio Leon Viola, Les Gladiatrices. C'est ta générosité, ô reine, qui te permet d'écouter une de tes fidèles gladiatrices. Je m'appelle Gebelgor. Me rendras-tu la liberté? Et est-ce que je peux espérer faire partie de ta valeureuse armée si je parviens à t'amener l'homme que tu cherches? Tu le connais? Oui. Où l'as-tu connu? Tes guerrières m'ont fait prisonnière dans la forêt de Horar, et c'est dans cette forêt que vit Tahor. C'est ainsi qu'on l'appelle. Tahor? Et qu'est-ce que signifie ce nom? Le nom de Tahor est dérivé de taureau, dont paraît-il il descend, et on dit que sa force est telle qu'elle dépasse l'imagination. Tahor. Yamad, tu organiseras une expédition pour aller dans la forêt de Hora, et la gladiatrice Gebelgor vous servira de guide jusque-là. Je veux que cet homme me soit amené vivant. Et ben voilà, vivant. Les Gladiatrices en 1963. Laurie Nuria André, au moment d'écrire l'Antiquité dans le cinéma contemporain, Clash of the Classics, il y a plusieurs histoires en fait à raconter. Et il est possible de raconter l'histoire de nos sociétés à travers les différents péplums. Ici, nous voyons dans les années 60, les Gladiatrices, ce serait peu imaginable aujourd'hui. Enfin, tout se décline en tout. Alors là, il me semble que votre référence, effectivement, alors 60, c'est peut-être un petit peu avant les années 70 où il y a ces premiers mouvements féministes. Donc effectivement, là, on va s'intéresser à la femme, on va mettre à l'écran des femmes dans une position de gladiateur. Alors là, c'est plus mon collègue qui va dire proportion, pardon, de femmes il y avait, ou si on avait, ou si on n'avait pas. Quelque chose d'intéressant, me semble-t-il, pour faire un lien avec les versions contemporaines, c'est dans Gladiator, la scène de course de chars, on voit une conductrice femme. En revanche, elle est, on va dire, ethnicisée. Ce serait une Nubienne. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors aujourd'hui, effectivement, ce qu'on peut reprocher, ce qu'on aurait pu reprocher mais là c'est en train de changer, au regard contemporain, c'était de survaloriser encore une fois cette virilité, cette violence, etc. Et là on voit de plus en plus de femmes à l'écran, notamment juste un exemple, vraiment jeu vidéo à succès, Assassin's Creed de Ubisoft, le volet qui se consacre à l'Odyssée, on peut choisir d'être une femme. Donc ça, c'est assez intéressant. Et ça correspond aussi, si vous voulez, au mouvement qui est en train de se mettre en place, on va dire, bon ça c'est vraiment la problématique de l'histoire, hein, qui écrit l'histoire et pour qui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la sphère des spécialistes de l'Antiquité, on s'intéresse beaucoup à la figure de la femme, enfin aujourd'hui... les 10 dernières années. Et donc voilà, tout d'un coup, ça, voilà, on découvre qu'il y a des femmes dans l'Antiquité, on découvre que ce n'était pas seulement les matrones romaines ou... voilà. Jean-Paul Tully, on découvre qu'il y a des femmes qui participent à ces spectacles. Alors, historiquement, il y a eu quelques gladiatrices. Je dis bien quelques gladiatrices, plutôt dans la deuxième moitié du deuxième siècle de notre ère. Et après, ça a été interdit. À l'époque de Septime Sévère, ça a été interdit. Donc, c'est quand même quelque chose de très marginal, hein, par rapport à la gladiature. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, puisque vous faisiez allusion à ça, il n'y a jamais eu d'origine femme. On ne connaît pas de compétition avec des femmes qui aient conduit des chars. Et si vous me permettez une anecdote personnelle, mais très rapide, j'avais rencontré les auteurs de cette très bonne bande dessinée qui s'appelle Murena, où il était beaucoup question de gladiateurs il y a quelques années. Et justement, ils m'avaient posé quelques questions sur l'Antiquité. Et je leur avais dit, mais vous avez très souvent représenté des gladiateurs, de façon d'ailleurs très virile, pour reprendre, faire une allusion à ce que vous disiez à l'instant. Mais à Rome, il y avait aussi des courses de chars. Pourquoi vous ne faites pas des courses de chars? Et alors le dessinateur, Philippe Delabie, m'avait dit, oh là là, mais les courses de chars, c'est très très difficile, comme justement William Wyler pour le cinéma, c'est très très difficile, quand même, plusieurs chars, l'édifice est grand, etc. Et finalement, bon... Je ne dis pas que ce soit pour me faire plaisir, mais gentiment, ils ont quand même, dans le volume 5, ils ont représenté une course de chars, qui est très bien d'ailleurs, et là, ils ont introduit, c'est pas moi qui l'avais dit, ils ont introduit une femme qui est masquée, mais qu'on reconnaît, parce qu'elle a une superbe tresse blonde, donc on ne peut pas se tromper du tout. Allez savoir. Mais dans ce regard que nous portons sur les péplums, Laurie Nerien-André, il y a cette mise en abîme magique. Le moment du cirque, le moment de la course de chars, enfin de ces différents spectacles, a besoin d'une autre forme de spectacle qu'est le cinéma. C'est un jeu, c'est un va-et-vient qui est sublime. L'Antiquité est parfaite pour Hollywood, et là nous pouvons quitter la période des années 50, enfin ça vaut encore aujourd'hui, et le jeu vidéo aussi. Oui, c'est une manne financière, et, effectivement, parce que il y a cette conjonction, je pense, qui s'opère, bon, de mon point de vue, c'est vraiment ce souffle épique que je trouve encore, voilà, qui est producteur de sens, qui intéresse Hollywood, évidemment, la spectacularisation, etc. Mais il faut pas oublier aussi qu'il y a des grands réalisateurs qui, parce que là, on est vraiment sur ces problématiques du spectacle, etc. On a essayé de faire la part des choses entre voilà, la fausseté historique, etc. Mais il y a quand même quelques bijoux. Moi, j'en retiens deux. Il y a Gladiator et il y a Agora, puisqu'on était sur la discussion avec les femmes. Bon, là, avec le péplum d'Amenabar, on a cette figure d'Hypatie d'Alexandrie qui est, bon, malgré les critiques, parce qu'effectivement, bon, il y a des choses qui est une réussite totale. Sur tous les plans, je trouve. C'est peut-être là-dessus qu'il faut terminer, effectivement. La conscience, l'analyse est formidable, absolument nécessaire. Et d'ailleurs, nous adorons ça ici dans le cours de l'histoire. Et puis le moment plaisir, celui du divertissement. Merci beaucoup à tous les deux, Laurie Nerien-André. Je rappelle, un Clash of the Classics, l'Antiquité dans le cinéma contemporain. Et merci beaucoup à vous, Jean-Paul Tullier, avec votre histoire du sport dans l'Antiquité. Ou encore, allez les rouges, les jeux du cirque en Étrurie et à Rome. Merci vivement à tous les deux, parce que la baignure arrête son char. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Pourquoi étudier l'histoire au microscope ? Note sur les portraits dits du Fayoum. Lorsque les historiens travaillent sur des périodes très anciennes et qu'il manque d'archives écrites, la collaboration avec des disciplines scientifiques comme la physique, la chimie ou la radiologie est souvent très utile. Le Centre de recherche et de restauration des musées de France est l'un des principaux lieux où s'est développé ce type d'interdisciplinarité. Créé en 1999, il est organisé en 4 départements qui rassemblent près de 150 spécialistes, des conservateurs, des archéologues, mais aussi un grand nombre de techniciens spécialisés dans la recherche en laboratoire. Cet organisme interdisciplinaire est particulièrement précieux en histoire de l'art, comme le montre l'exemple des portraits du Fayoum. Situé à une centaine de kilomètres au sud du Caire et niché entre le désert de l'Ouest et le Nil, la ville actuelle de Fayoum était connue sous le nom de Chedet à l'époque des pharaons. C'est là qu'ont été découverts au début du XVIIe siècle les premiers portraits dont on a trouvé ensuite des exemplaires dans toute l'Égypte. À partir de 1887, l'archéologue britannique Flinders Petrie commença à soumettre ses portraits à des analyses scientifiques grâce auxquelles les historiens ont pu reconstituer une nouvelle période de l'histoire s'étalant du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ. L'originalité de cette époque tient au fait que les coutumes et les styles égyptiens, grecs et romains sont entrés en contact au point d'alimenter une forme précoce de multiculturalisme que l'on retrouve dans l'art, la religion et la langue. La plupart des portraits dits du Fayoum ont été peints entre le 1er et le 4e siècle de notre ère. Ce sont les seuls spécimens de peinture sur bois qui subsistent de l'Antiquité. Près de 1000 portraits du Fayoum sont aujourd'hui exposés dans des musées du monde entier. En France, on peut les admirer au Louvre, mais aussi au musée de Lille, de Dijon et de Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Probablement réalisés sur des personnes encore vivantes, puis fixés à leur mort sur la momie, ces panneaux peints perpétuaient la tradition du masque funéraire égyptien en suivant les modalités du portrait gréco-romain. Bien que le musée du Louvre ait réalisé un important travail de restauration dès les années 50, l'état de ces portraits n'avait pas permis des études très poussées concernant leur mode de fabrication. C'est ce qui a incité la Fondation des sciences du patrimoine à financer récemment un travail collectif pour approfondir l'analyse scientifique de ces portraits. Les progrès de l'imagerie scientifique permettent de mieux différencier les matières picturales utilisées pour la réalisation de ces portraits et de mieux connaître les procédés de fabrication, notamment grâce aux techniques d'analyse microscopique du support et des matières picturales. Au-delà de l'histoire de l'art, ces recherches scientifiques ont un intérêt pour l'histoire sociale. Alors qu'on pensait au départ que les visages peints sur ces portraits du Fayoum étaient uniquement ceux des plus riches membres de la société, on a constaté que, dans certains cas, les couleurs et le dessin étaient plus grossiers, ce qui suggère que même des citoyens pauvres pouvaient se faire tirer le portrait. Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Louise André avec aujourd'hui à la technique d'Ali Yaha. Une émission préparée par Anne Toscan-Viudès, Marion Dupont, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou et Maïwenn Guizhou. Émission à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.